bien. Shoot star, salopard au risque. 143 old star. Hein? Ouais. Que des mauvaises têtes, bon cœur en flingue qui en veut, espionne quand on veut. Fini les scènes où je mouille, tu vois. Au pire, vire au crime, c'est tout homme. Ça prend du temps, pareil au même. Crime prière, crime sec, shit pierre. Toujours le même merdier. Évidence, si on vit dans nos vies dangereuses, on met d'avance. Cherche pas, pays cash où tu bats. Longue vie à toi, le jaloux du CYR. Moi et mes couches d'art à leur valeur. Jack Slender en reconnaissance, il me semble. Un peu trop accord pour ta FM ensemble, soldat. Un baisse en football d'être chez les autres soldats. Prends sans faire ta peine pour les autres soldats. C'est ma classe touriste pour moi et mes autres. Hop pour la mission chienne, guerre. Si elle le premier ou la première qui se perd. Et c'est un coup raquette à mode ou les traites. Filez tous les grinciers du secteur, des patarots sous l'art du coin. Vite, vite, vite ton sac. Pose pas de questions, fiston. C'est un braquage acoustique. Pas de panique, dis à ces flics de balancer leur fric, sortir leur stick. Laisse tomber les actes héroïques. 2001, l'ambiance est volcanique, pas téménique. De la rue, on garde la technique. Révolution, accroche-toi, Mino. La nouvelle génération prend le flambeau. Hip-hop de ghetto sous les projos. Façon Strombo, sort ton chambeau, tiens-toi à carreau. MC, si je le suis, je l'ai pas lu dans un tarot, négro. Compte pas sur moi pour guérir le monde de ces mots. MC, toujours opérationnel, je sais pas dans le sens. Reste dans le rationnel, enfile ta cuirasse et prends donc place dans l'arène. La rue, ce qui appartient à la rue, mec. Missionnaire, toujours à l'affût, Bélec. MC, révolutionnaire, j'rappe aussi dur qu'un calibre dans le cul. Big up à tous mes confrères, grâce à qui le mouvement évolue. Tu veux du bon cru, t'as choisi le bon coup. Respect à ceux qui avant nous y ont cru, puis fini derrière les écrous. Exposé à tous les vices, opposé à tous les risques. Seul chance sous on choule, à l'affût du billet vert. Qui me dira le contraire, tu plus petit au plus grand. On se fout de quoi sera fait demain. Tous obligés de crapuler, on va pas pleurer sur notre sort. Refaire la manche, on cherche la brèche. Envie de foutre le feu, tout pète, piètre vie. J'attends plus rien d'elle, ni de quiconque. Toi, t'as pour ta part du gâteau, sinon te la laissera pas. Dis-toi au point, on en est, la merde ne cessera pas. On s'adapte dans cette chaîne de vue, le bordel s'organise. On a la rage, donc le braquage nous tente tous. La misère nous range tous. Du mauvais côté, ça finira pas sans rancune. Mon style pleure, crash, des taches de sang, stress, sans cesse. Je reste hard, quitte à ce qu'on me censure. On s'entretue au lieu qu'on s'entraide. Dans ces rues, les flics passent pour les quarts d'heure. Nos cœurs battent fort, peur de se faire mettre les brassés d'argent. De travers, elle regarde tous ses agents, exposés à tous les risques. C'est pour tous les guerriers roches, c'est venin et carré rouge. Crame le secteur clash, on se fout des flics. Fais péter le sang, c'est du rap de sang, bitch, violent. Représente ta classe, touriste, à travers mon lyrics. Tu sentiras ce sentiment de haine se propager. Rien à faire, quand bien même je voudrais m'en séparer. V-E-N-I-N carré, rouge, classe et touriste. Par mon seul principe aiguillé, à travers ce putain d'intérêt marécageux. Pas question de faire comme si de rien n'était. Pour vivre mieux, trop important sont les enjeux ici-bas. Chaque chose a son prix, l'espace bien réduit. On me dit que cette liberté est en chérie. Fini au commencer d'autrui, restons précis. C'est vrai, la vie n'est pas un film de science-fiction. Mais après chaque transaction, je relève moi-même la commission. Oublie les Tony, Junkie, du gâchis, le genre qui hier encore était bien content d'avoir une protection. Aujourd'hui, me chante qu'ils ont de nouvelles connexions. Ma mission, comme carré pendant que la foule gronde sur les ondes. J'avance du mic façon gorge profonde. 1 pour le béton, 2 pour le bifton, 3 pour cette vie de chien que pourtant je kiffe. En 2001, c'est clair, pas de mystère. Pour la classe touriste, mieux vaut se retrouver sous la menace des sirènes de calibre que de la misère. C'est la vie, on ne peut pas tous être un black auto. Pour ça que je braque au fond, microphone pour commencer, on frappe au porté. Entre dur comme un tacle au torse. Dans l'ombre, on se remarque moins. L'échec me regarde moi. Ma foi, quand j'ai pas le choix, faut tout niquer. Mais quand chacun de nous une mission, selon son angle de vision, ma propre opinion est mignon. Ouais, je vais finir millionnaire. C'est voulu comme un gars qui se fait respecter. Classe touriste. On l'a accepté, je sais ce que c'est. Ce monde, une route pleine de boss, y'a pas le 4-4. Et quand ça se gâte, ça va du fier et fort aux 4 pattes. Tant que les miens et moi se gaffent pas. Opérationnel, va leur dire s'ils savent pas. Grave gars, est-ce qu'ils savent de quoi je suis apte? Du soir au matin, mon taf au black, j't'assure le rap, mon cap. Mon propre avocat, j'suis star, mon staff. Seul aveugle connaît la valeur de la vue. La misère, on l'a tué, dit commando, les quand on a plus. Genre, on parle mal, ça marche mal, les jeunes ne font que se plaindre. Est-ce qu'ils savent c'est quoi lutter pour pas s'éteindre quand les poches ont séché? Quel déchet ça m'a fléché? Où j'ai créché, mais j'ai putain. Nos vies ne sont que péchés, merde.